je m'en fous, je serai la femme de loup riche, quoi c'est tout. Carabosse s'est marié avec un corbeau, court sur pattes, pas un cheveu sous le chapeau. Trois enfants dont deux sont complètement idiots, des beaux parents qu'elle a toujours sur le dos. Carabosse qui disait je ne donnerai jamais pour de l'or le corps que ma maman m'a fait. Carabosse est déjà trois fois divorcée, trois maris qu'elle a complètement déglingués. Elle qui voulait toujours aimer pour aimer, la carabosse toujours des pensions insensées. Carabosse, on s'était juré de vivre avant la vie, tout ce qui de près ressemble à la folie. On finirait par se ranger, oui plus tard, l'important c'était de tout savoir, de chasser les loups-garous de tiers-lieu, de chasser les loups-garous de tiers-lieu. Et Carabosse, et Carabosse, dans la fumée de magie teinte que son eau bûcher est devenu. D'ailleurs, où sommes-nous tous allés? Nos rêves, où sont-ils arrivés? Est-ce que nos rêves se sont perdus? Carabosse qui avait peur de tout de rien, qui pensait que tous les loups étaient des chiens, obsédé par des pensées toujours obscènes. Carabosse en a recueilli des dizaines, pour une heure, pour une nuit, pour une semaine, difficile de les garder au bout d'une chaîne. Carabosse, le numéro 90, la meilleure au loup-garou de tiers-lieu. Carabosse était une montagne à aimer, un volcan qu'on ne pourra jamais oublier. L'Himalaya de nos fantasmes inavoués, il paraît qu'elle se retire des mariés. Et Carabosse, et Carabosse, dans la fumée de magie teinte que son eau bûcher est devenu. D'ailleurs, où sommes-nous tous allés? Nos rêves, où sont-ils arrivés? Est-ce que nos rêves se sont perdus? Ou bien avons-nous disparu?